Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop, aujourd'hui une comédie américaine. Après avoir passé sa vie au manoir Playboy, Shelley, une playmate du célèbre magazine de charme, est injustement mise à la porte. Ne sachant où aller, elle atterrit dans une association d'étudiantes menacées d'expulsion si elles ne parviennent pas à attirer de nouveaux membres. Décidée à les aider, Shelley va utiliser toutes ses ressources de pin-up pour transformer les filles en créatures de rêve. Salut Shelley, tu es radieuse. Shelley vivait un rêve, jusqu'à ce qu'elle fasse la seule chose qu'une bunny ne doit jamais faire. Elle devint vieille. Mais j'ai 27 ans. Ça fait 59 ans pour une bunny. On dirait un mini manoir Playboy. À présent, c'est une école. Cette bunny va apprendre à ses filles. Tout le monde nous trouve totalement nuls. Je suis une bunny, les hommes m'écrivent de prison. Les ficelles de son métier. Je veux vraiment vous aider parce que je sais que je peux y arriver. Shelley, où est ton peignoir? Je fais comme balader dans le corps que Dieu et le docteur Borkman m'ont donné. Elle, c'est Harmonie. Harmonie? Pourquoi tu fais ce bruit-là? C'est juste un truc que je fais pour mémoriser les noms des gens. Nathalie! Waouh, t'as engagé l'exorciste? Elle va reprendre les bases. Les yeux sont les mamelons du visage. Et mettre la résidence. Je peux faire de vous les filles les plus sexy du campus! Sans dessus-dessous. Super blonde, vous l'avez compris, c'est super intello, mais c'est très drôle. Un DVD, Sony Pictures, SPHE.